Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Et aujourd'hui, malheureusement, Maxime Tanguay ne sera pas avec nous du tout. Oh. C'est triste. Désolé de vous l'apprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? La Triforce est brisée. C'est une biforce, bicurieuse force. On va-tu avoir du fun pareil, tu penses? Je pense qu'on devrait s'arranger pour avoir du fun. OK, OK. Sinon, tu sais, ce sera comme l'émission, tu sais, un petit peu, à la place d'être si fou, ça va être si mou, là, tu sais. Émission un petit peu mou, là. T'sais. Mou, mou. Tu trouves pas que ça fait comme, tu sais, une vache fraîchier? Ouais. Mou. Mou. Je m'excuse, mais mou. Ouais, ouais, ouais. J'aime ça. Ça résume l'émission d'aujourd'hui, je pense. Ça va être fraîchier. Ça va être fraîchier. En tout cas, derrière nous se déroule le jeu C'est fou la musique. Si vous écoutez en direct le jeudi et tout le long de l'émission, en tout cas pour le temps que le défi va durer, Stéphanie Paradis va se rendre en mouvement de va-et-vient jusqu'à la chasse galerie. Oui, je vais courir jusqu'à là-bas. J'espère que je vais avoir le temps de me rendre et de revenir entre chaque chanson. C'était quand même un peu loin, mais je vais... Est-ce que ça donne des points pour ton assaut? C'est plate, j'ai pas d'assaut. Bah! Dommage. Mais donc, des petites mises à jour tout au long de l'émission sur le défi C'est fou la musique qui a lieu à la chasse galerie à partir de maintenant à 15h. Donc, dans les palmarès, c'est fou, cette semaine, on a 11 nouvelles entrées. C'est toi qui les as comptées tantôt, donc je te fais confiance. Oui, j'ai. Mais je suis pas certaine parce que moi, en fait, j'ai 10 doigts. Oui, vrai. Donc, une fois passé 10, j'ai un peu plus de difficultés. Les doigts d'orteil sont cachés par tes souliers. Ça... Des doigts d'orteil? Des doigts de pied. Ah, j'essaie de faire mon français fraîchi. Mes doigts de pied ou orteil? Oui, oui, il faut que tu choisisses. C'est ça, exactement. Ameux. Donc, on a des nouvelles entrées, c'est-à-dire Chantal Archambault, Biobazar, Les Trois Accords, Vidéoville, Gros Méné, The Darkness, Bad Religion, Machine Gun Susie, Run With The Kittens et Mother Mother. Qui n'a pas une nouvelle entrée dans... Ah, wow! Hey, c'est pas un privilège d'avoir une nouvelle pièce, c'est palmarès, tout le monde en a une! Ouais. Mais on commence en 20e place francophone. En 20e place francophone, avec Fox de Karim Ouellet. Bon, on écoute ça. On va aussi avoir les meilleurs moments d'Assemblage requis dans un instant classique et les meilleurs moments de David Ferron dans un Ferron classique. Oh, un Ferron classique. Je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je ne rêvais pas de prose, ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un... Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Ah, donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Ah, je ne suis plus comme les autres. Ah, le sais-tu pas? Donne-moi ta rose, le temps. Je n'avais pas l'esprit souple, je ne ressentais pas de doute. Lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute, sous le rayon de la grande ourse, en train de boire à la source. J'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-gouttes. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Ah, donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Ah, je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose, ne t'en va pas. Je Nouvelle entrée. Oh, allez se coucher tout de suite. Ma tête m'aurait trop tourné, je commence à avoir de la bête. Oui, t'as les dents, mon curé. Oui, la béquille l'a veillé. Oui, les vilains, mon œil, lourd. Oui, les rappels, on verrait de ça haut. Oui, les rappels, on verrait de ça haut. Spot. qui décolle, la clôture qui s'envole, le gazon qui s'arrache, et qu'on est qu'on se vache. On est là, mais on verra tout. On est là, mais on verra tout. On est là, mais on verra tout. On est là, mais on verra tout. Bad Religion et True North en 19e position anglophone. Et du côté francophone, on a entendu Saint-Prime de Gros Méné. Alors ça, c'était les 20e en anglophone, The Darkness avec With a Woman. Et Karim Ouellet avec Fox. Fox. Fox. Oh yeah. C'est fun de pouvoir dire Fox sans être censuré. Ah ben oui, parce que d'habitude, on le sait qu'on est toujours très censuré. Bah, les pouvoirs hein, au sommet, que voulez-vous, ça nous empêche de tout dire, ça fait. Oui. Pas du tout. Vraiment, vraiment pas, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on pense de ces nouvelles entrées-là? Moi, je vous dirais, personnellement, Bad Religion, c'est pas mon genre, mais je peux comprendre que les gens aiment ça, c'est cool. Darkness, leur précédente pièce, Street Spirits Fade Out, on la détestait pour mourir tout le monde, je pense. Elle n'est pas restée longtemps non plus. Moi, je suis pas fâché du tout que ce soit une nouvelle entrée du groupe de Darkness, que j'adore, soit dit en passant. C'est vrai, c'est très bon. Mais moi aussi, j'ai été un peu déçu par leur dernière chanson. Avant ça, par contre, il y avait eu dans leurs précédents extraits, là, Nothing's Gonna Stop Us et Everybody Have a Good Time. Donc, c'est leur quatrième pièce de cet album-là qui se nomme Hot Cakes et c'est le troisième bon extrait. Mais c'est quand même c'est quand même un bon score. Ben oui, 3 sur 4. C'est le 3 quarts. C'est presque 75%. Hey, t'es fort! Merci. Wow. Du côté franco, Gros Méné, encore une fois, je répète, mais j'aime mieux cette pièce-là que leur précédente, Pot Michel. Ah oui? Ah, oh, ben... Mais ça battra jamais Vénus, qui est la première. Vénus, effectivement, c'était fort. C'est un gagnant, pas mal. Et on a écouté aussi Carrie Mouellet, Fox. J'adore. Ça fait combien d'extraits de Fox qu'on entend? Assez fou. Je crois de que c'est Fox? Seulement le deuxième. Oui, l'album oui. s'appelle Fox. Ah, OK. Je pensais que tu disais combien de fois on a fait jouer cette chanson-là. Ben là, c'est sais rare pas. Que je fais jouer deux fois la même pièce. Une fois par mois, à peu près. Donc, le premier extrait était L'amour. Ça s'est mis à jouer partout. Et vous le savez, nous, on aime ça, jouer des choses qui ne jouent pas ailleurs. C'est notre but. Moi, je préfère Fox. Ouais. L'amour. Ouais, moi aussi, pour vrai. Et j'aime bien Petit lapin blanc. Le lapin blanc. C'est ça. Oh, en tout cas. Donc voilà pour le premier bloc de nouvelles entrées. Il y en a eu 4 jusqu'à maintenant. Il nous en reste un autre bloc de 4 et ensuite un bloc de 3. Donc ça fait quand même deux. Ça va faire la première heure de nouveauté, je pense. Hey, wow, c'est chouette. C'est rare que ça arrive. Donc plus tard dans ce bloc, les trois accords, Run With The Kittens et Machine Gun Susie, mais on débute en 18e franco. En 18e franco avec Vidéoville qui va nous interpréter le retour de Jack Depp. Ouais, Jack Depp. Et ça, là, c'est de la musique de fucker. Je vous dirais, pour vrai, je l'ai entendu, l'album, je l'ai écouté parce que j'aime bien leur son et c'est particulier. Ah, ben, j'ai hâte d'entendre ça. Je pense que c'est la huitième. Voilà. Tu sais, écrivez pas les numéros de vos pièces, surtout. Ah, non, oui. Puis mettez un titre qui est sur deux lignes, fait qu'il faut que tu le comptes juste comme une ligne. Je pense qu'ils surestiment beaucoup leurs fans. ils surestiment les animateurs des palmarès aussi. Aussi beaucoup. Hey, on a trouvé une bille par terre tantôt. Ah, c'est tellement vintage. Objet perdu, si quelqu'un veut récupérer sa bille, si quelqu'un veut que je lui touche la bille, c'est vraiment comme vous voulez. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Justement, j'étais en train de jouer avec et de la rouler entre mes doigts, donc si vous voulez venir la chercher, c'est le temps. Wow! Là, c'est vraiment aller très loin. Comme ton doigt avec la bille! Blague de bille. Quand l'autre jouait toute cette merde, tu veux mon plat dans la gueule? 18. Nouvelle entrée. Extrait de l'album Black Paper Horse de Machine Gun Susie. C'était en effet Black Paper Horse. Leur premier extrait s'appelait Four-Headed Susie. Toi, Stéphanie, est-ce que tu aimais mieux l'ancienne ou la nouvelle? Non, je préfère celle-là, mais j'adorais l'autre aussi, mais celle-là, pour vrai, là, je l'adore et je l'écoute chez nous. J'ai commencé à écouter l'album, là, okay. Puis oh oui, j'aime ça. Pour que je l'écoute chez nous, il faut que j'aime ça. Là. Ouais, hein? Ouais. Avant ça, on a entendu Vidéoville et le retour de Jack Death. Oui, mais j'ai pas d'opinion. J'étais pas ici. J'étais partie voir le défi. Ah. C'est fou, la musique. Et ils ont des problèmes techniques. C'est pas commencé encore. Ah, oh, ben, mon t'as fait. Ben, peut-être que ça l'est là. Je vais retourner voir. Pendant le prochain bloc, qui va commencer par une longue, longue pièce des trois accords. Donc, tu vas avoir le temps d'y aller en masse. C'est bon. On va espérer que ça va être commencé. Ben, ça devrait commencer. Ils doivent finir, j'imagine, à temps. Ils ont une case horaire déterminée. Donc. Oui, et ramener des nouvelles un peu plus intéressantes que problèmes techniques. Ah, et voilà. Donc, prochain bloc, c'est les 17e places du côté anglo. Run with the Kittens. Un nouvel extrait de l'album Letter from Camp qui s'appelle Life Inside a Chocolate House. C'est un beau rêve à avoir, c'est un fantasme. Oui. Et du côté francophone, on va entendre les trois accords avec Retour à l'Institut. Les trois d'accord. Au palmarès, c'est fou, au 89 FM. Je m'endors à l'Institut, à l'Institut, à l'Institut. Je m'endors à l'Institut. Dans le sens de la ligne de vue, êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Numéro 17. Nouvelle entrée. Quel bon bloc! Ça, c'est incroyable, j'adore. Hey, tellement. C'est tellement bon. Ça s'appelle Run With The Kittens et la pièce Life Inside A Chocolate House. C'est le deuxième extrait de l'album Letter From Camp, nouvelle entrée en 17e. Et en 17e francophone, c'était Retour à l'Institut des Trois Accords. Ça aussi, c'est bon. Caroline, ça arrête plus, hein? Non, mais tu sais, je trouvais sur cet album-là, Exercice, génial. On l'a eu comme sur le palmarès aussi. On a eu Bamboula au tout début, avant que ça soit populaire ailleurs. Oui. Non, mais que de la crème. La crème, comme tu veux. Oui, oui. De hit, de la part des Trois Accords. Avant ça, on a entendu les positions numéro 18 du côté anglophone, Machine Gun Susie, leur deuxième extrait, Black Paper Horse. Ah, ça, c'était dans l'autre bloc d'avant, je me rappelle. Oui, oui, oui. Ah bon, on l'a déjà dit. Superbe. Il nous reste encore d'autres nouvelles entrées, croyez-le ou non. Déjà 35 minutes de l'émission de passé. Que voulez-vous? Il y a de bonnes choses à entendre. On va sauter par-dessus Hannah Georges en 15e place parce qu'elle n'est pas nouvelle. Ce sera le rejet du bloc, malheureusement pour elle. Plus tard, il y aura Chantal Archambault et Mother Mother, mais on débute en 16e place. Francophone? Ouais. Je réalise que je vais beaucoup trop vite. Et oui, qu'on n'a pas parlé du tout du carnaval qui se passe en arrière. Ben oui, moi, je vous aurais parlé un petit peu. C'est des nouvelles. C'est encore le premier round. Oui. Donc, présentement, on a BioEco, Comme Social, BES et Kiro qui sont en train de s'affronter. Et on s'entend, BES a une forte avance devant tout le monde. On s'entend? C'est incroyable. Non, mais tout le monde va être d'accord. On a des statistiques qui le prouvent. Si la tendance se maintient... le pointage est en leur faveur. Parfait. Mais on rappelle que c'est que le début du défi C'est fou en direct du Carnaval étudiant 2013. Ça a lieu en direct le jeudi, nous, le 31 janvier, derrière à la Chasse Galerie. Vous avez encore le temps de vous y rendre et de venir devant le studio écouter les palmarès C'est fou. Puis après ça, vous faufilez en arrière, un peu comme Stéphanie fait. Ouais, c'est ça. Je cours entre les deux. Puis je me rends compte que, mon Dieu, c'est tellement proche que j'ai passé tout droit. Faut que je revienne. j'ai tout manqué. D'accord. Comme je le disais, on commence avec la position numéro 16 du côté francophone. Avec Bio Bazar et la chanson « And Friends ». Au palmarès, c'est fou, c'est sûr, le 89.1 FM. Mono, mono. Mou. Mou. Mou. Mou. Dans le genre de mou. Ça, c'est une vache hipster, juste pour la rappeler. C'est ça. C'est une vache qui est meilleure que les autres fancy. Hein? Le clairement, une tache autour des yeux en forme de lunettes de hipster et un foulard en tache noire de... Ah, je l'imagine tellement. thinking of an island. Maybe, oh, Acapulco, take me. I'm looking to isolate me, terra incognita, baby. I'm getting away from all that. La-di-da, la-di-da, la-di-da, la-di-da, la-di-da, la-di-da, la-di-da, la-di-da, la-di-da. I'll bring a book to read, good soul to get me in my theme. I'll bring my heart to break, I'm gonna find some pretty wicked thing. I'll bring some chocolate, ain't no way she could resist. And I'll bring my papa's tricks, cause there ain't no help lies in the steps. Nouvelle entrée. Par la Le premier extrait du nouvel album, Les Élans de Chantal Archambault. Ah, que c'est bon, c'était Les Détours en 15e place francophone de nouvelle entrée. C'était bon. Avant ça, on a entendu Mother Mother avec The Sticks, la dernière nouvelle entrée du côté anglophone en 16e place. Et avant ça, c'était la 16e francophone. Avec Bio Bazaar et And Friends. Oui, si vous vous rappelez que vous étiez avec nous plus tôt dans l'émission, on avait trouvé une bille. Oui. Donc, évidemment, on a fait un paquet de jeux de mots sur ta poignée à bille, bizarre même. Ben c'était oui, qui super... était peut-être pas nécessaire, mais... Pas tout à fait nécessaire, mais tellement drôle. Mais là, c'est plate parce que je l'ai perdu, la bille. Mais par contre... J'ai trouvé une scène. Et voilà. Et là, je vais me retenir pour celle-là. Vous pouvez imaginer où ça a pu aller cette dans conversation. En ronde, on l'a dit. En onde, on se retient. Voilà. Quoique, j'aurais pu me retenir pour la fin de Bill tantôt, mais c'est tellement subtil que personne n'avait compris ça. Ben non, mais pour vrai, je veux dire, de quoi parles-tu? Une bille, c'est un jeu ouais, oui. Pour les enfants, totalement. Il n'y a rien là, il n'y a rien là. Petite mise à jour sur le carnaval étudiant qui a lieu derrière nous en direct le jeudi. Oui, donc présentement, on a Lettres et Linguistique, Assa, Bepep et Récréo qui sont en train de s'affronter. Et tout juste avant, on avait Bioéco, Comme Social, BES et Kiro. Donc, on a les concurrents de Bioéco et de BES qui passent en demi-finale. Mm-hmm. Et Marie-Pierre Laforge-Bourret, notre chroniqueuse, future chroniqueuse de retour bientôt à Assemblage Requis. Oui, ex et futur. Oui, ex et futur. C'est beau, ça. Oui. C'est elle qui joue là, là. Oui, pour Lettres et Linguistique. Donc, j'ai très hâte d'y retourner et de voir le pointage. Je lui souhaite une chance incroyable. Mais c'est pas de la chance tant que ça parce qu'elle est vraiment bonne et j'espère que le vent va tourner en sa faveur. Ben, elle a du talent pour la musique. Elle a des connaissances. Et c'est d'ailleurs de là que ça a commencé, hein, sa participation à Assemblage Requis à l'époque. C'est parce que je l'avais vue à un défi C'est fou la musique et je m'étais dit, waouh, elle connaît ça, elle aime ça, oui. Ça paraît. Oui, vraiment, oui, oui. Donc, c'est comme ça, qu'elle a commencé à faire des chroniques avec nous. Et tu disais de ne pas souhaiter bonne chance à Marie-Pierre. Pourquoi, non? Ah oui, il faut dire merde. Ouais, pourquoi? Ouais, en fait, ça, j'ai lu ça très récemment. En fait, c'est les pièces de théâtre. À l'époque où c'était, on allait voir les pièces de théâtre et les véhicules étaient tirés par des chevaux. Donc, plus il y avait d'excréments animaliers chevalins, donc ça veut dire que la pièce de théâtre avait eu un grand succès. Donc, plus les gens pilaient dans le caca, donc plus la pièce était populaire. Donc, c'est à partir de là, on disait merde quand la pièce était bonne. Donc, on souhaitait de la merde c'est aux pièces de théâtre. C'est de là que ça vient, tous les palmarès dans les stations de radio commerciale, les shitlists, ça vient de là, ça? Shitlists, exactement. Oh non, c'est hitlist. Ça, c'est juste moi qui dis shitlist. Ah, un petit lapsus. Lapsus à peine. Parapousse, hein? Non, aucune signification autre. Donc, merci pour ta mise à jour. Il y en aura d'autres tout le long de l'émission. En tout cas, jusqu'à la fin du quiz, c'est fou la musique qui a lieu, encore une fois, à la Chasse-Galerie derrière nous, au pavillon Les Rébauchemins. Oui, c'est ça. Je ne reviendrai pas aux 15 minutes pour dire en passant, c'est terminé. Il ne se passe plus rien. Vous pouvez retourner chez vous. Ah, on est pendu à tes lèvres, Stéphanie. Ah oui? Mm-hmm. On va terminer cette première heure avec les positions numéro 14. Du côté anglophone, ce sera Young Rival et Black Popcorn qui descendent de 3 places. Et du côté francophone, on va entendre l'atterrissage d'Atomic Baobab. Oh, je les vois justement. Piou, piou. Piou, piou. Il tire des lasers, en plus. Ouais. Hey, c'est des palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Ainsi que de nos meilleures onomatopées. Mmh. Ah! Mmh. Gilly gilly. Menou menou. Mou. Atomique bababi bobu. Pigrec. Ok, c'est bon. On arrête. Mais oublie. numéro 14. Black Popcorn, une pièce de l'album Stay Young de Young Rival. Ça descend de 3 places en 14e anglophone. Hey, je m'entends pas de celle-là. Et du côté... très bonne. Et du côté francophone, on a entendu le, l'atterrissage d'Atomic Baobab. Oui, Baby Baby. Oui, c'était bien ça. au retour, dans la deuxième heure, il y aura entre autres la musique de la descente du coude, The Vaccines, Bernard Adamus et un paquet d'autres choses. Avant ça, petite mise à jour du carnaval. Petite mise à jour. On a Lettres et Linguistiques et Récréo qui passent en demi-finale. Ouh, bravo! Oui, l'intrilinguistique. Félicitations à Marie-Pierre Laforge-Bourret. Notre Maple Bee national. Ah, Colin, je suis contente. C'est beau. Avoir ce qu'on appelle etc. dans le domaine. Oui, Marie-Chetera. Marie-Chetera. C'est encore mieux. Colin, Marie-Chetera. C'est bon. Nouveau prénom pour 2014. Ben oui. Donc, on revient pour plus de défis. C'est fou qui a lieu en direct de la Chasse Galerie. Plus de mises à jour dans la deuxième heure. Mais pour l'instant, ben, on se laisse quelques secondes. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. C'est la deuxième heure des palmarès, c'est fou, pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2013. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et Maxime Tanguay n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Ah! Ah! On est la Bambi. On est la Bambi. Ah, oh, Bambi! La Bambi! C'est cute. Très cute, mais... c'est triste. C'est ça, la mère meurt à la fin, hein, c'est ça. Oups, excuse-moi! Hey! Oh non! Je viens de spoiler un spoiler des années, je sais pas combien. 80, c'est 80, à peu près. Hey, j'espère que ça va pas mal finir comme ça, notre histoire, nous autres, ici, nos palmarès. Hein? Peut-être que Maxime est mort déjà, puis on ne saura pas avant la semaine prochaine. Ou il va nous le dire. Non, c'est mort. Ouais, il va sûrement nous texter tantôt, dire désolé, je reviendrai pas, je suis mort. Non, hey, il m'a envoyé un message par Facebook Messenger. Il m'a dit désolé, je ne pourrais pas être là. Signé Max with Love. Oh, oh c'est cute. Ça, j'aime ça. Il est c'est tellement ça. Mignon. Tellement comme Bambi. Bon. Donc, prochain bloc, c'est les positions 12 et 13. Par contre, on se fait un 50-50 comme qui veut être millionnaire. Là, on se fait un 50-50. On saute par-dessus Kid Kuna avec Batiska et Hunter Valentine avec Liar Liar. Plus tard, on aura The Vaccines en position numéro 12 avec Bad Moon. On débute en 13e francophone. Avec Généalogie de la descente du coude. Ça en faisait beaucoup à retenir, ça. Mais bon. C'est des palmarès assez fous. Puis après ça, ben, on va pouvoir s'écouter des instants classiques d'assemblage requis. Oh! Et peut-être une autre mise à jour du carnaval. Ben, je l'espère bien. C'est toi qui s'en vas là, fait. Je te fais confiance. Je vais essayer de revenir. D'accord. Pour l'instant, la descente du coude, donc pas mal, c'est fou. I'm almost giving you the third degree, but you Mood! C'était The Vaccines avec la position numéro 12 qui monte de 7 places. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, on a entendu la descente du coude avec Généalogie. Mm-hmm, on a sauté par-dessus Andrew Valentine avec Liar Liar en 13e anglo et Keith Kuna avec Batiscan en 12e franco. Voilà. Exactement. Mise à jour du défi C'est fou qui a lieu en direct pour nous le jeudi 31 janvier derrière la chasse-galerie. Oui, et on a présentement Simon Fitzbé qui botte des derrière. Fitzbé! Donc, monsieur cool. Simon Fitzbé, chroniqueur et animateur assez fou. Exact. Il fait sa chronique les lundis matins à 7h30, si mon humeur vous déplaît. Et puis, il anime l'album classique les vendredis matins à 10h. Et il fait les éphémérides du rock avec Canet Lefebvre à midi dans Rock Classique. Voilà. Exactement. C'est beau, hein? Mais là, il n'y a pas de tuyaux ou de vrai. Réponses. C'est pas là. Parce qu'on les connaît et qu'on est vraiment derrière eux et biaisés qui connaissent les réponses, pas le côté. Oui, derrière et biaisés ensemble. Go, go, Simon! Biaisé par en arrière, j'aime bien ça. Ouais. Donc, tu disais? C'est tout. Je vais revenir tout à l'heure avec les résultats qui sont en demi-finale. Présentement, il y avait juste une avance assez effrayante. Moi, j'aurais peur de me prendre contre lui en demi-finale. T'sais, on l'appelle pas l'historien de C'est fou pour rien. Hein? Si tu l'as dans ton association, c'est clairement lui qui doit aller au défi C'est fou. Ça n'a pas le choix. Ben oui, ça n'a comme pas de bon sens d'envoyer quelqu'un d'autre. Ben, c'est pour les connaisseurs de musique. C'est pas pour les connaisseurs de musique pop. C'est pour les connaisseurs de musique alternative. Exactement. C'est large, tout ça. Là. Oui, oui, c'est... Oui, oui, pour vrai, là, moi... Tu sais, je quand même... Non, mais je suis quand même ici. Je veux dire, j'en connais quand même un petit peu. Mais pour vrai, là, tout ce qui jouait de l'autre côté, j'étais comme... Non, c'est sur une longue période. En plus, toi, tu connais la période 2012-2013 jusqu'à maintenant, tu sais. Je te dirais même un peu plus restreint, automne 2012. Et début de l'hiver 2013. Ben, pas plus loin que où on est rendu, là. Je veux dire, tu connais pas le futur? Non, je suis désolée. Bon. D'accord, donc on suivra le défi C'est fou du carnaval étudiant 2013 plus tard, mais pour l'instant, on recule un petit peu jusqu'au début de la semaine. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage Rookie pour la semaine du 28 janvier 2013. La pièce réverbère à Assemblage Rookie. C'est la première fois, je pense, qu'on l'entend à Assemblage Rookie. C'est bon? À cette heure-ci où les réverbères s'éteignent. Les réverbères s'éteignent peut-être. Nous, par contre, on est allumés. On est allumés. Quand t'arrêteras de voler du fromage. Et voilà. Dans ton bec de corbeau. En hausse, hein? Oui, oui. C'est ça le compte. Hein, qui est le renard? Je sais pas. Toi, t'as grosse queue. Et voilà, c'est dit. Tu trouves pas qu'il manque de gars en studio? Ouais, ouais, ça manque de saucisse. Saucisse cocktail en jus! Oh! Tu sais, moi, j'essaie de pas trop faire de blagues dans ta chronique parce que sinon, ouais. C'est un petit peu inapproprié, ça, des fois. Ça. Mais Paul Baillargeon, OK? Son documentaire est pas plate, fait que tu beurras pas. Baillargeon, OK? Oh. ONF, je les appelle ronflera pas. C'est pas plate. C'est pas plate. Ouais. Ça a bien tombé que ce soit là parce que Colin, que c'est drôle. Ah, ça m'a fait. Moi, j'ai de la misère à me remettre de mes animaux. Oui, ça me sent pas trop non plus, ça a pas l'air vrai. Voilà pour. En fait, j'avais plus comment dire le mot. On aura un nouveau chroniqueur, Charles-Antoine Rioux. Chuck Tony Rioux. Oh! Je vais l'appeler de même, moi. Oui. Il va se sentir tout à l'aise. C'est ça. Faut se mettre à l'aise avec des petits surnoms. Oh, on n'a rien fait de drôle à la fin, ça a été drôle. Non. On n'a pas fait de calembour. Fais-en. Ben là, comme ça, c'est sa pression. En plus, le gars commence à chanter. En plus, imagine si on continue de parler pendant que le gars chante, ça va manquer de respect à terre. Ben là, peut-être, maman. Ben oui. Across the way. Le micro à la place de Formatoon. Okay. Ben oui, c'est une bonne idée. Je pense que ça a été assez bien publicisé, mais il s'agit d'une dame qui est à l'âge brésilienne d'ailleurs, puis je sais pas si c'est pour ça qu'on l'appelle Lola, là, en référence à la chanson de Copacabana de Barry Manilow, qui était une possible. Chanson qui Copacabana. Tu te rappelles de ça? Oui, oui. C'est ça. Donc, elle avait 17 ans, elle rencontre un dénommé Eric. Un surnommé Eric. Il y a une tradition dans la common law, ça vient des États-Unis. On appelait ça common law husband d'ailleurs ou ouais. Common law wife. On dirait que tout le monde devient stagnéant pendant ce cas-là. Hello, lolo, lolo. Lac Saint-Jean. C'est Lac Saint-Jean. Oui, exactement. Je vais te demander, est-ce que tu reviens la semaine prochaine, mardi à 8h? Ça devrait. Si tu m'invites. je t'invite. Ben, non, moi, je voulais faire une blague, puis je l'ai ratée. Parce que, OK, je vais dire, là, tu es supposé dire, je pense que oui, puis là, j'aurais dit, ben, come on, là, là. Come on, là. Puis l'eau, là, même. J'ai commencé mon anecdote en disant, hey, une fois, je suis allé à l'épicerie. On a fait, wow! Grand fou. Grand fou. Ben, c'est ça, donc, j'étais en train de payer, justement, puis la madame qui était derrière moi, la, disons la dame plutôt, a acheté un concombre et de la vaseline. En même temps, c'est tout. T'sais, mais va, juste ça! Va à deux épiceries différentes. C'est la seule fois où la caissière a dit « Voulez-vous, allez-vous prendre un sac? » Elle a juste fait « Je pense que je vais y donner un sac. » Nos deux choristes se partagent un micro. Salut! Ils parlent en cœur en plus. Ben, la semaine passée, ils m'ont salué en canon, pas en canon, ben, en comme même les temps. « Salut Mathieu Plante! » C'était beau, je me suis dit « On dirait des jumelles. » J'ai fait comme « Waouh! » Ah, des jumelles. Ils se pratiquent le soir, même. C'est cute, hein? Ouais, ils se pratiquent. Oh, on va faire exciter, on va exciter oui. Mathieu demain. Annabelle est venue dormir chez nous hier. Elle est venue, ouais. Ben, je suis capable. Jean-Philippe Charbonneau. Certainement. Danny Janvier. Allô. Les choristes. Salut. C'est comme dans Gilligan et leurs amis. Ils disaient jamais c'est les autres. On est comme les figurants. Ouais. J'aime pas ça. Ouais, c'était Ginger et... Et Marianne. Marianne. Qui moi, est Ginger? Moi, je suis Marianne. Ben, Ginger, c'est la rousse. Exact, la rousse. Moi, c'est la Ginger. Coucher avec deux femmes en même temps. Jumelle. Pas nécessairement. Ben aussi. Deux amis. Oui. Une rose et une noire, non. Une rose puis une noire, genre. Attends, moi, attends. Marianne puis Ginger. Genre. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Gilligan. Puis, Le capitaine. Gilligan puis le capitaine. J'ai branché mon cellulaire, okay, puis je me suis réveillé. Il était pas chargé. Comment ça? Ben, je sais pas. Mais voyons. Moi, j'oublie tout le temps de le brancher. Ça explique pourquoi il n'est pas branché le matin. Ouais. Je dis. Ça nous permet de vraiment capturer l'essentiel de l'émission. Ouais. Le jus. Le jus. La pâte. Le moment où quelqu'un se gratte la poche. C'est la pâte. Poche de hockey. La poche de hockey, bien sûr. Je parle de sport, moi. Je sais pas, de passer au travers. Tu sais, l'œuf poché. L'œuf poché. Un examen poché. Oui. Des pochoirs. Oui. Pour faire des étampes sur le mur. On est en forme. Il a dit était poche. Était poche. Était poche. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Toujours bon d'exercer mes bras, ça. Ça va diminuer ton stress. C'est ça. T'aurais pu faire une blague de faire genre des étirements de ton autre bras que d'habitude. Ça aurait été drôle. Mais je comprends que t'avais pas voulu la faire. Ouais, c'est un best-seller, ça a l'air, là. T'as-tu dit sur Wikipédia? On devrait partir la Wikipédia pour Alexandre Laramie Wiki. Non, sur Wikipédia. Non, mais pour vrai. On pense à Melon Miel. OK, Wikipédia. Notez ça. C'est-tu le Baraban? C'est une prof en littérature. Baraban? OK, parce que je pensais que c'était Baraban. Je me suis dit, pratique quand tu veux te laver, tu vas au bar à bain. Mais si c'est un bar à bain, c'est pratique quand tu veux t'asseoir. Aussi. Si c'est un bar à bain. Ouais. Puis là, c'est drôle. Puis là, Jasmine, elle fait comme. Puis Alex fait comme. Puis Francis fait comme. Hey, hey, hey, collègue. Hey, collègue, collègue. Je pensais que tu voulais qu'on fasse la vague comme chanson thème. On peut faire la vague comme chanson thème à la radio. Allez, vas-y, attention, 1, 2, 3. Moi, j'ai fait le son. Une chance, parce que ça n'aurait pas paru qu'il y avait une vague. Ça nous inspire la chanson Et si je dors dans la nuit? Tu verras que du feu. Je ferai ce que je peux. Ah, la version alternative, le B-side. Oui, c'est la chanson. Ils veulent avoir l'or qu'il y a derrière nos présentations en bacon. Studio, le bacon, le gras du bacon. Oui, ils veulent le bacon et le gras du bacon. Ah, cette chronique porte si bien son nom. C'était classique, en effet. Ah, oh, on a tellement de plaisir. Le bar à bain. Hey. La Wikipédia. C'est tout des moments ça qui ont été vécus en direct à la radio. Ça vient nous chercher puis oui. ça nous marque jusqu'à la fin de nos jours. Ça m'émeut comme dirait une vache hipster. Ça m'émeut. Bon. Voilà pour un instant classique. Retrouvez-nous du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec moi-même, Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau. Puis des fois, moi. Puis des fois, toi, le mercredi surtout. Avec ta chronique Zone Campus une semaine sur deux et les petits bonheurs l'autre semaine. Oui. La prochaine, ça va être Zone Campus. Zone Campus. C'est Stéphanie Paradis, Boring Edition. Non, c'est juste correct. C'est bon. Très bon. C'est mon petit côté non givré, ça. C'est la chronique Mini Oui du mercredi. Oui. C'est un Mini Oui. Mini Wiki, Rocky. Non, marche pas, ça. Wiki, Wiki, Wiki, Woo. On va y revenir. OK. Ouais. Mais j'aurais aimé ça, c'est un peu comme... Parce que Zwicky, Pedia, c'est parfait. C'est super, j'adore ça. Génial. Impeccable. Super impeccable. Parfait. J'avais pensé, tu sais, mon site web, assemblagerequis.com, ben notre site web, là. J'ai inclus l'équipe d'Assemblage Requis ici. Là. C'est quand même mon site web. Mais assemblagerequis.com, je l'appelle l'Assemblog Requis, ça. Oui, que ça a pris vraiment du temps avec... je m'en rends compte. La plupart des gens ne le voient pas, même si pourtant le blog est d'une autre couleur complètement que le reste du logo. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. J'avais pensé de l'appeler l'Assemblog Wiki. L'Assemblage Wiki. Au lieu de l'Assemblog Requis, ça aurait été Assemblage Wiki. Mais comme c'est pas un wiki, je me suis dit, ça ne fit pas avec la blague. Ben non, ça marche pas du tout. C'est un blog, pas un wiki. Il y a une différence entre les deux. Exactement. Parce que tu peux faire un wiki comme Wikipédia toi-même. Trop de détails là-dedans? Ben, j'imagine, écoute, là, moi, je passe pas des heures et des heures à faire des sites web comme toi. Hein? Non, tu passes des heures et des heures sur le site web assemblagerequis.com et tu télécharges toutes les balado-diffusions et tu vas voir les notes de l'émission et les invités à l'avance. Et il y a même un petit calendrier Google Calendar où tu peux savoir qui va être dans la prochaine édition. Donc, là, je dis ça, je te l'applique à toi, mais vous aussi à la maison pouvez faire pareil comme elle. Oui, voilà. Le dessus incluant les autres personnes à qui qu'on parle pas. C'est ça, c'est une nouvelle règle du français. Là. Oui, oui, oui. Voilà. Mais il y en a tellement des bizarres. N'importe quoi. Je pourrais faire à croire n'importe quoi. Je réussirais sûrement à te croire. C'est bon. Très je te reviens avec une autre règle. Parfait. Donc, on retourne à notre palmarès. On est rendu aux positions numéro 11. Du côté anglophone, il y aura Stars et The North qui montent de 7 places. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, on va entendre Bernard Adamus avec Webin. Ouais, ben, je monte de 3 positions. Je m'appelle Bernard Adamus. Je me mets en brun, je suis Bernard Adamus. Je change-moi de mon micro, je m'appelle Bernard Adamus. OK. Puis ramasse les commences, le maudit beau party qu'on a eu hier soir. Puis collasse ta mère du monde en place. Il fait du show dans le camp, on t'a bien pas en. On fait du mal, puis j'ose, puis y'a quelque chose qui se passe. Il laisse bien certain qu'on aime prendre une tasse. Mais c'est pas ouvert, c'est fait à dire. On a bien qu'à tomber, on aime du monde la pire. Mais c'est ouvert, c'est fait à dire. On a bien qu'à tomber, on aime du monde la pire. La vie est pas fine, il a un smile sur le stool, pis a fait son temps. Elle dit, faut que je dégadisse, je rêve qu'un homme me pine. Je veux lâcher ma job, pis que ma tourne à spin. Pour le château bon, là, tout est beau. Elle dit, y'a de bon, tu bon, comme t'es dans le stéréo. C'est l'amour à son âme. N'avait pas de temps pour les gagnants, pour plus que jouer à maman. Elle me dit ça devrait être que de même. Fais-moi pas de face de carême. Mais là le timing n'est pas trop bon. T'es même trop fort et en dedans. Elle me dit son beau c'est sain. Tout ça dans mes mains. Faut tu peux tout avouer. Sauf le fait dans le coin. Elle me dit oui ben. C'est prêt à dire. On a bien qu'à t'envoyer. On mène du monde la pire. Elle me dit oui ben. C'est prêt à dire. On a bien qu'à t'envoyer. On mène du monde la pire. Check it right, que des yeux, que ben de la tête aux gens. C'est sérieux, bonhomme, c'est sûr de demander mieux. Elle t'a tout qu'un programme du haut de ses 22. Faut que ta fille, si qu'à gauche t'arrive, va te dire attends un peu, on va en avoir être les deux. Dis oui, ben, c'est bête à dire, on ne peut pas t'en vivre, on aime du monde la pire. Dis oui, ben, c'est bête à dire, on ne peut pas t'en vivre, on aime du monde la pire. We'll be right back.

Tu sais que c'est le défi C'est fou qui a lieu en arrière de nous à la Chasse-Galerie en ce moment, jeudi 31 janvier. T'es-tu sérieux? C'est pour ça que je me cours depuis tantôt? C'est à peu près ça. Et tu reviens de là, c'est là. Ça, tu viens juste de franchir le pas de porte. Ben oui! Bon, dans le fond, c'était la dernière, je sais pas comment ça s'appelle, avant la demi-finale. C'était la finale? Première ronde, là. Première ronde, OK. Première ronde. Donc, on avait Philo ITR, Math Info, Psycho et Chimie Physique qui s'affrontaient. Donc, on a ITR qui passe en demi-finale avec Chimie Physique. Chimie Physique avec notre amie Justine Renaud. Roustine! Youstine! Justine Renaud qui est ici aux deux semaines et ça tombe très très bien que cette semaine n'était pas supposée de toute façon être là. Ben oui, parce qu'elle était en train de faire son show de l'autre côté. Exact, si elle avait manqué sa chronique aujourd'hui et si on l'aurait pas vu avant un mois, ça aurait été plate à mort. Ah, oh, on aurait été vraiment triste parce qu'on aime tellement ça quand elle est là avec nous au palmarès. Elle est géniale, elle fait partie du grand quatuor. Donc Justine Renaud qui fait ses tartines de Justine, sa chronique musicale ici à l'émission. Donc ça va bien pour elle? Ben, elle passe en demi-finale. Superbe. Qui d'autre participe en ce moment? Il y a Simon Fitzbé? Oui, on a Simon Fitzbé qui passe en demi-finale aussi. On a notre amie Marie Chetera. Marie-Pierre Laforge-Bourret. Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et les autres, c'est une seule personne, mais bon. Oui, c'est ça. On a aussi Karina Tardif. Oh, la copine, si on peut le dire en nom, de Jean-Philippe Charbonneau, des petits bois, Charbonneau. Des petits bois. Qui co-anime Assemblage requis en ce moment avec moi le matin. Puis on peut est-ce qu'on peut annoncer? Je pense que oui, ça va être notre nouvelle journaliste en arts et spectacles, donc pas pour l'édition qui va sortir mardi prochain, mais pour deux semaines plus tard. Voilà, elle va être aux arts et spectacles et je suis sûr qu'elle va faire un excellent travail en compagnie d'Alexandra Carignan dans la même section. Ouais, ça va être incroyable. Il va falloir qu'elle fasse quelque chose à l'assemblage requis aussi parce qu'on dirait que tout le monde participe à l'assemblage requis est au défi, c'est fou, c'est le fun. Mais il y a ben trop de bons monde. Jean-François Veilleux aussi qui est aux zones campus et là-dedans, on peut le mentionner aussi. Oui, qui a fait une belle performance en premier round. Malheureusement, il s'est pas rendu plus loin, mais c'est pour vrai, la compétition est vraiment forte. C'est fun. Puis, honnêtement, je pense pas que les gens qui passent pas en demi-finale, c'est parce qu'ils connaissent pas ça. C'est parce que vraiment, tout le monde est très, très fort de l'autre côté. Et le buzzer aussi, il faut être rapide sur sa gâchette, des fois. Oui, il faut être rapide sur, mon Dieu, si on appelait ça une titine. Donc, okay. Pourquoi? Parce que j'étais avec Annabelle de l'autre côté et on a rappelé... Annabelle? Oui, Annabelle. Amène-la ici, Marie, tantôt. Ah oui, je vais aller chercher Annabelle. C'est ça. Donc, on a fait un petit retour sur la fois où on a fait... un petit quiz avec David Ferron, Annabelle et moi, Assemblage requis. Et où mon buzzer, le buzzer de notre équipe, était la merveilleuse et plantureuse poitrine d'Annabelle. C'est ça. Et moi, donc, mon buzzer était... réchauffer les draps de François-Olivier. C'était un running gag dans cet épisode-là de l'émission où je disais que je réchauffais le côté du lit de ma blonde avant de me coucher. C'est le fun, hein? Donc, pour répondre à une question, il fallait que tu réchauffes des draps. C'était difficile et un petit peu trop compliqué, mais bon. Mais pourtant, on a perdu. Oui! Donc, il y avait quelque chose de bon là-dedans. Voilà, on vous tiendra au courant encore une fois du défi, c'est fou. Là, je sais qu'on en parle et ça intéresse pas nécessairement les gens qui nous écoutent le vendredi soir ou le lundi après-midi, mais c'est pas grave parce qu'on s'amuse pareil avec vous autres. Fun, hein? Mais oui, puis on parle de tellement du monde intéressant. Exactement, ça nous donne l'occasion de faire des plugs, tu sais. Ben oui! Comme Simon Fitzbé, on l'a fait tantôt. On a Marie-Pierre Laforge-Bourret, on l'a mentionné. On a tout mentionné de notre monde. Annabelle, qui va être là tantôt. Oui. Elle a une chronique, elle aussi. Ça finit plus. Bon. On est rendu aux positions numéro 10. Du côté anglophone, ce sera Diamond Rings avec Runaway Love qui monte de 7 places. C'était nouveau la semaine passée. Mais juste avant, on va entendre l'indice avec Faire du bruit. On parlera assez fou sur le 89 FM. Dans la nuit, dans la nuit.

The Gaslight Anthem et Here Comes My Man, lancé numéro 2, qui descend de 7, c'est rendu en 9e place anglophone, tout ça. Oui, OK. en 9e position, c'est ça, c'est là j'enchaîne. C'est à peu près ça, oui. OK, on a entendu Violette Pie avec Pierre Fleur de Londres. Ah, c'est tellement bon, pour vrai, Violette Pie, là. petit indice pour les gens qui veulent suivre à la maison, on va les avoir en entrevue dans les prochains jours, semaines. Dans les prochains jours, semaines. Ça s'en vient, ça s'en vient bientôt. Avant ça, on a entendu les 10e places Diamond Rings avec Runaway Love qui monte de 7 places et qui était nouvelle la semaine passée. Et du côté francophone, c'était l'indice avec Faire du bruit qui a descendu d'une petite place, mais... Ah, ça paraît pas, ça. Ben non. Ça paraît pas. On est rendu aux 8e places, mais avant ça, petite mise à jour du défi C'est fou qui a lieu derrière nous en direct le jeudi 31 janvier. Stéphanie est sur place comme toujours. Oui, donc là, c'est lettres et linguistiques, récréo, histoire et chimie physique qui se sont affrontés. Donc, c'était tous nos amis, Marie-Pierre, Karina, Simon et Justine. Et je peux vous annoncer qui s'en va en finale. Oh, pour vrai, pour vrai. Oui, donc on a en histoire Simon Fitzbé. Évidemment. Et toujours. En lettres et linguistiques, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Maple Bee! Oh yeah! Oh, donc là, présentement, c'est la finale avec Bioéco, BES, lettres et linguistiques et histoire. C'est drôle. Présentement, là, maintenant. Ça a lieu derrière nous, là, et on va vous tenir au courant dans le prochain bloc de qu'est-ce qui se passe, qui oh, est oui. Ah, c'est excitant. J'aimerais tellement ça pouvoir assister à ça, mais je sais très bien que si j'y vais, je vais oublier de revenir, je vais faire des gaffes. Il va y avoir un blanc, moi je vais être mêlé d'un piton, c'est ça. Je vais partir, toutes sortes d'affaires bizarres. Je laisse le travail à la journaliste chevronnée qui est Stéphanie Paradis. Chevronnée. C'est quoi un chevron? C'est les petits... ça ressemble à des guillemets français un peu, des chevrons, non? Oui, OK, puis... Ça veut dire quoi, chevronné? Pourquoi ça vient de là? Ben, tu portes un circonflexe sur la tête, mais sur le côté. Quand tu passes la tête, t'as l'air d'un chevron. Ou peut-être que ça a un lien avec les chevreuils. On sait pas. Ah, oh, je suis un petit chevreuil Bambi! Un bébé chevreuil! Oh! On retourne à notre palmarès du côté anglophone. La position numéro 8 sera Metric, l'ancien numéro 1 avec Speed the Collapse. Et du côté francophone, ça va être Tomahawk avec deux Saran Rap. Avec deux! Avec deux! C'est comme avec pas de casque. Mais je trouve que, tu sais, Tomahawk, Saran Rap, c'est lequel des deux la toune? C'est lequel... c'est mêlant. Bon, on va essayer de démystifier ça pendant qu'on l'écoute. Donc, Saran Rap tout de suite au palmarès, c'est fou! Vivre dans le bois, je sais pas trop, donne-moi une raison, planète Terre. En tout cas, une chose est sûre. Imagine dans le Wisconsin, les Indiens, avec des esprits et des chamans. Ça n'a pas de sens. Collapse par Metric, l'ancien numéro 1 maintenant en 8e position anglophone. Et du côté francophone, on avait Tomahawk de Saran Rap. Oh oui! Tout à l'heure, dans la troisième heure, il y aura la musique de Tremblay, Tire la Coyote et We Are Wolves, entre autres. On va aussi savoir si nos numéros 1 de la semaine passée sont encore là. On s'appelle que la semaine passée, c'était Audio Note en franco et Metric en anglo. On aura aussi la suite du défi C'est fou, l'UGR. Oui, mais là, présentement, on a Simon Fidibé qui a une avance, mais rien n'est encore joué. Ce n'est pas terminé. Les jeux sont faits. Non, en tout cas. Ne sont pas faits. Ne sont pas faits, OK. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Ouais, et on vous rappelle qu'on suit le défi C'est fou qui a lieu en direct à la Chasse Galerie pour nous le jeudi 31 janvier. Stéphanie est notre correspondante à l'international. Oui, je me fais livrer en chaque bloc de chansons. Comme une poutine. Je suis pleine de timbres. Oh, t'as été livrée partout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on attend le prochain bloc avant de faire une nouvelle mise à jour? Ben oui, t'as bien vu, je suis pas partie pendant les publicités. Une chance que non, hein, y avait pas grand temps. Mais d'après moi, c'est terminé. Là, je vous reviens dans quelques minutes à peine avec le verdict final. Sûrement la dernière intervention sur le carnaval tout à l'heure. Dans ce prochain bloc, il y aura Tremblay ainsi que We Are Wolves, mais on débute en 7e francophone. Avec Tire le Coyote et la merveilleuse chanson Chainsaw. Chainsaw! Est-ce qu'on tire un coyote ensemble? Tu veux tirer un coyote? Piou, piou! Piou, piou! Moi, tu sais, je chasse pas avec n'importe quoi. Il faut un petit gun gris et orange de Duck Hunt. Oui! Piou, piou! Piou, piou! C'est des palmarès, c'est piou, piou, piou! C'est le chien, ça! Ouais, c'est ça! Planté mon grand navire. J'suis un homme PDG de mon avenir. Pour mieux saisir ton noyau et ses fruits, j'habillerai ton cœur d'un bikini. Quand l'amour s'en vainqueur, il faut faire du we'll 6. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Chaque sourire a besoin de son chat, sinon les deux tournent en rond. Mais moi, j'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux. T'es plus qu'un one night, t'es plus qu'un rebound. T'es un jab sur ma tête qui met à terre au premier round. Tu me dis que tu m'aimes pas, que tu te sens bien dans le célibat. Tu sais trouver les mots pour faire tomber les cœurs. Tu me parles de lui, de l'autre, du seul à qui te dit oui. Tu me parles de moi aussi. Tu me trouves beau, tu me trouves drôle. Je te trouve belle dans ta robe, sans ta robe, tes épaules qui font danser les cœurs. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux que ton corps qui se déshabille. J'ai rien trouvé mieux. Ton one night, au mieux ton rebound. Quand j'étais avec toi, je me sens comme un produit, j'essaie de me vendre. Tu te saoules de plaisir, tu restes jamais dormir. Tu refuses le malaise, l'ennui. Tu te protèges de l'amour, puis tu gaspilles l'envie. J'ai rien trouvé de mieux que ton sourire qui s'éparpille. Qui se déshabille. J'ai rien trouvé mieux. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Tremblay avec rien de mieux, position numéro 6, francophone, ça monte de deux places. Et tout juste avant, toujours du côté francophone, on a entendu Tire le Coyote avec Chainsaw. Mm-hmm. Il y a aussi We Are Wolves avec As the Moon Sets qui monte de 13 places, cette nouvelle entrée la semaine passée. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas le dire. C'est tellement dur à dire. Il y a trop de W, des R, des L, des S, là. Non, bon, mais tu sais, dans leurs premiers albums, je sais pas si c'était juste le premier, ils écrivaient aussi Nous sommes loups. Ils utilisent aussi le nom Nous sommes loups, donc ah, je peux oui? le dire. Ok, ça. Parfait. Donc, Nous sommes loups. Avec évidemment alors que la lune se arrive se as the moon sets, alors que la lune s'installe, voilà, la lune s'installe. Ouais, oui. C'est bien dit ça. Ouais, oui, c'est beau. Bon. Tout à l'heure dans l'émission, il y aura Peter, Audionaut et Grizzly Bear, les instants classiques de David Ferron s'en viennent, mais pour l'instant, petit retour et en fait on va terminer la parenthèse, conclusion du défi C'est fou la musique qui a lieu à la Chasse Galerie. Mais oui, donc on a en deuxième position BES qui a vraiment chauffé les fesses de Simon Fitzbé, mais qui a tout de même eu la victoire. Donc il a décroché la victoire. Bravo, Simon. Bravo, Simon. Comme toujours, je dirais, il gagne tout le temps ce défi, c'est fou, la musique-là. Quel genre de musique il y a eu dans le dernier bloc, là, la finale? Qu'est-ce que ça ressemblait à quoi, les styles musicaux? Là? Ben, je pense qu'il était chanceux. Il y avait quand même beaucoup de musique, peut-être un peu plus rock classique dans sa palette. Il a été chanceux pour la finale. C'est principalement ça que j'ai entendu. En fait, je vais être bien honnête... J'ai comme pas tant écouté les trucs musicaux. J'étais vraiment concentrée. Oh mon Dieu, qui est là, qui est là. Quel nom, quel bac, etc. Les informations pertinentes quand même. Mais disons, j'étais arrivée un peu plus sur les questions orales. Donc, c'était sans extraits musicaux et sans... Sur les styles de musique, les instruments de musique, des trucs comme ça. Pour vrai, là, il y a eu... Un artiste né à telle date dans tel état des États-Unis et on a Monsieur Fitzbay tout de suite qui a... L'historien de nature, Ben, faut avouer que c'est assez impressionnant, là. Pour vrai, il connaît tout ce gars-là. Ah, c'est mérité. C'est fort, c'est fort. Ah oui, ça c'est sûr, il a pas volé la victoire. Non, c'était, non. Il était à la bonne place au bon moment dans sa branche de musique. Ouais. Dans ce défi-là, il est né pour ça, je pense. Pour le défi, c'est fou. Et on le remercie et félicite. Bravo. D'exister. Remercie pour d'exister. Pour ton existence. Félicitations pour l'existence. Bravo d'être là. D'être là et d'être toi, Simon Fitzbay. Voilà. Oui. Sinon, ça donc conclut le défi C'est fou la musique pour cette année. Ben oui. De retour l'année prochaine, je l'espère. Comme toujours, on va le couvrir ici au palmarès ou ailleurs ou peu importe. Hein? Oui, effectivement, courir est vraiment le bon mot. On va le courir. Couvrir et courir. Voilà. Maintenant, un gars qui court et qui couvre bien sa place dans la vie. Ça veut rien dire du tout. Ben, c'est vrai qu'ils sont tout le temps un peu partout. Il doit courir, il doit jamais marcher. C'est vrai qu'il est tout le temps en train de gambader, ce gars-là. Un peu comme toi, finalement. Oui, je gambade beaucoup, ça va plus vite. Donc, on écoute les meilleurs moments de David Ferron à Assemblage Requis cette semaine. Voici un Ferron classique. Tu es un Ferron Voici les meilleurs moments de David Ferron à Assemblage Requis pour la semaine du 28 janvier 2013. David Ferron, avec la langue dans ton oreille. Ah non, il l'a en plus dans la mienne. Ah, il y a deux langues? Ah non, lèche pas de même. Oh non. Il lappe. Lapsus. Ah. Oh, mauvaise langue. Ah. Ah. Lappez bon au concept de chronique. Les choses s'en viennent. La langue dans ton oreille. Ma chronique est une chronique culturelle qui se veut, en fait, un initiateur à l'éveil musical de bon goût. Bonjour, mon nom est Gustave Lafenêtre. Il était pas mal, lui! Mais non, David! David, calme-toi! Alors, très heureux de vous connaître. Bonjour Stéphanie et Annabelle, j'espère que vous allez très bien. Hey, enchanté! Hey, seulement on est sept dans le studio. Oui, David est dans le coin, évidemment, il fait des lapsus. C'est qu'on t'a pas vu parce que, aux dernières nouvelles, t'étais tombé en amour d'une éléphante, si je me rappelle bien, ou si c'était David, je les mélange tout le temps. Mais en fait, oui, je suis tombé amoureuse de deux éléphantes. Deux? Oui, qui ont la tuberculose que la France voulait tuer, mais Brigitte Bardot et moi, en fait, on est des amis, Brigitte et moi, on les a sauvegardés. Ouais, mais là, tu viens de dire que t'étais amoureuse, Gustave. Là. Ouais. Excuse, mais bon. En tout cas, l'éléphant est amoureuse de moi. Ah, un autre lapsus. Oui. Ah, OK, c'est on bon. On juge pas, là. Mais c'est pas grave. Et la table d'éléphant est transmise. On est à la radio, là. Bip à délai. Oh bon, excusez-moi. La putain d'éléphant. Pas bien mieux, mais... La tabarnouche de sa... Perlipopette. Sapristi. Dumbo, si tu veux. La motadine, elle m'a transmis la tuberculose. Je croyais en être mort, mais je suis... T'es un petit peu dark, ça, de t'es atteint de tuberculose, fait que tu vas mourir, fait que tu... Mais non, je suis guéri! Ah! Ben bravo! Aïe! Tout ça, l'instant d'une minute. Ouais, oui! Ça en est tellement passé des choses, là. Oh. Il s'est presque fait tuer. Il a presque tué David. Là, après ça, il est revenu. Oui. Puis il repart, puis il remonte. On dirait quasiment de la fiction. C'est un vaudeville, hein? C'est un vaudeville. Oui, c'est du burlesque. Burlesque. On l'appelle, on l'appelle. Mais là, Gustave, il va se calmer le pompon parce que sérieusement, c'est horrible. Je suis désolé de vous avoir. J'ai essayé de. On savait pas, on l'aurait pas laissé faire en ondes. C'est parce que vraiment, faut encore expliquer, la parenthèse, que David et Gustave sont des frères jumeaux. Un a une moustache, mais l'autre en a pas. Mais tu sais jamais lequel est lequel. Parce que je me rappelle pas, moi, qui c'est quel. Je pensais que c'était un dédoublement de personnalité, moi. Mais c'est peut-être ça, peut-être dans ma tête. C'est comme une tâche postmoderniste à toi tout seul. C'est ça. Mais on t'aime pareil. Oh my God! Une tâche post-moderniste. Ça rien, il est trop chic. Wow. T'es un tableau. En tout cas, ça commence par CHI. C'est interprété par Tigrane Amavian, qui est un espèce. Tigrane. Il est arménien. Instagram, OK. Ben oui, mais il est arménien, mais c'est vrai que Charles Aznavour vient également de l'Arménie, puis... Il s'appelle pas Tigrane, mais c'est pas grave. Mais il doit y avoir d'autres mondes qui viennent de là, quand même. C'est les deux seuls. Mais c'est les deux seuls que je connais, Tigrane et Charles.

C'était pas une citation du tout. Non, j'ai paraphrasé tellement. Ben oui, en fait, t'as un peu dit ce que tu voulais qu'il nous ait dit, finalement. Ça voulait dire ça. Ben oui. Comment? Bon. Voilà pour un ferron classique. C'est tout pour les meilleurs moments d'assemblage requis. Je pense qu'on a passé comme une quinzaine de minutes là-dessus dans l'émission d'aujourd'hui. Mais c'était délicieux. Prochain bloc, c'est les positions 4 et 5. Par contre, on saute par-dessus Crystal Castles avec Plague en 5e place. On va entendre plus tard dans le bloc Grizzly Bear et Peter Peter, mais on débute en 5e franco. Avec la tête ailleurs d'Audionaut. Wow. Hey. Atta boy. La dureté du mental. Ah, c'est les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est faux à vous offrir. Oui. Croyez-le ou non. Ben oui. Mais croyez-le. C'est vrai, on vous dit. Faites-nous confiance. Oui, pas de ou non. Je ferme les yeux, j'éteins la lumière. numéro 4. Just make it up somehow. We're all right. Grizzly Bear et A Simple Answer. Ça monte de la 13e en 4e anglophone. En 4e anglophone, on a entendu Peter Peter avec une version améliorée de La Tristesse. Francophone, mais oui, à peu près. Oui? T'as dit anglophone, mais c'est francophone. J'ai dit anglophone. Ben voyons donc! Juste avant l'entendu, Audio Note avec La Tête ailleurs, l'ancien numéro 1 qui est maintenant en 5e place, ce qui veut dire qu'on a libéré une place pour le numéro 1, qui est quelque chose d'autre que ça. C'est quoi? Je sais pas. Je sais par contre qu'on a sauté par-dessus le 5e anglophone, c'est Crystal Castles et Plague. Plus tôt dans l'émission, on parlait de chevrons, on parlait de... En fait, c'était au quiz, c'est fou la musique, on a dit que Simon Fitzbay était un historien chevronné ou quelque chose comme ça. Non, pas en tout. T'as dit que t'allais envoyer la journaliste chevronnée. Ah, d'accord, tu vois. Au quiz, c'est fou. Je lance des compliments à tout le monde, moi, fait que je sais plus à qui je les donne. Ben oui, on est tous chevronnés de toute façon, assez fous donc en plus. Bon. Donc, que des pros. Donc, j'ai fait ma petite recherche et t'avais parlé les chevrons, tu sais, comme les anciens guillemets. Ouais. En fait, qui sont des petits crochets, comme si on veut dire plus... Inférieur à, supérieur à. Plus petit, plus grand, c'est ça. Donc, c'est un chevron. Mais c'est aussi la forme des chevrons. Vous savez, un soldat sur ses épaules, on a un petit chevron pour montrer qu'il est gradé. Donc, un soldat chevronné, c'est un soldat gradé. Donc, par analogie, il est doté d'expérience et de savoir-faire. Donc, plus tu as de chevrons, plus tu as d'expérience et de savoir-faire. Donc, ça n'a rien à voir avec les chèvres. Non, on avait dit chevreuil, mais en fait, c'est peut-être plus avec les chèvres qu'il y a un lien. Uh-huh. Mais bon, mais il n'y a personne qui avait remarqué ça. Puis, on a du chèvre. Bon. OK, Cincinnati. C'est ce qui joue derrière. Donc, on est rendu aux positions numéro 3 maintenant. On va se dépêcher en faisant un bloc de 4 rapidement à la fin de l'émission comme ça. Plus tard, il y aura Rouge Pompier, Bears of Legend et White Horse. Mais on débute en 3e franco. Oui, francophone. Francophone. L'échiquier de Olinéa. French. C'est les palmarès fous, le Crazy Countdown au 89 FM. French la moutarde. Frenchise la moutarde. Je me suis laissé couler. numéro 3. Qu'on doutait de cette deuxième pièce de l'album de White Horse, l'album The Fate of the World Depends on the Skiss, c'est Jane. Et Colin, après l'avoir entendu plusieurs fois, là, tu honte peux pas... à nous, honte à nous d'avoir douté. C'est une excellente chanson. Je regrette, j'aurais jamais dû douter. Ayons confiance. Eh oui. Donc c'est ça, on est rendu. En fait, je pense, non, on voulait faire un bloc de 4. On devait même pas revenir. Oh, on est plate de même. Ok, on est revenu. Maintenant qu'on est revenu, annonçons quand même ce qu'il a joué avant. Avant White Horse, c'était Olinéa. Oui, Olinéa avec l'échiquier. Mm-hmm. Du côté anglophone, tout de suite, plus tard, en fait, il y aura Bears of Legend avec The Mornings I've Let You Down. Tout de suite, voici la numéro 2, Franco. Anne Dorval de Rouge Pompier. Bon, t'es yes. Pas supposé revenir, on est revenu puis on est parti. Bye! C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le cœur à ses raisons. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai la télé achetée dans mon salon. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le goût de devenir un rebelle. C'est à cause d'Anne Dorval que Pete de chambre en ville, c'est une nouvelle. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai pu penser mon séjour. numéro 2. On peut noter qu'il ne rechante pas quand il reste une minute, donc oui. On peut revenir par-dessus, c'est bon? Oui, on va essayer de s'en rappeler. C'était Bears of Legend avec The Mornings I Have Let You Down, position numéro 2 qui monte de 7 places en anglophone. Et du côté francophone, on a entendu Rouge Pompier avec Anne Dorval. Mm-hmm. Il nous reste seulement les numéros 1. Je sais pas de quel accent ça venait, ça venait sûrement un accent russe, comme je m'en allais vraiment dire ça. Pour vrai, c'était tellement pas ça non plus. Faire un jeu de mots avec Nostradamus, ça a l'air russe. Ah, t'es marouette, je t'ai-tu bien introduit ça? Je le sais bien, I know him! Top là, trop loin. High five virtuel. Hey, on se voit venir l'un l'autre, hein. Ça n'a pas d'allure. Non, on va passer sur celle-là. Je sais pas où ça s'en va tout ça. Je sais pas si ça s'en va jusqu'à ce soir dans la nuit jusqu'à demain matin. Les premières lumières du jour. Oui. Peut-être les vivrons-nous pas ensemble. Du tout. Moi, je m'en vais. Je prends la route de l'Est. De l'Est. L'autoroute. Le plus loin d'ici pour éviter ces malaises. Hein? J'ai réussi à brancher tous les jeux de mots. Fantastique. C'est pas génial, ça? C'était en force aujourd'hui. Ça n'a même pas pris d'effort du tout. Ça paraît, hein? Ça n'a pas pris aucun effort. Donc, tout à l'heure, au numéro 1 anglophone, ce sera East Road avec First Morning Light qui monte de 6 places. Mais juste avant, francophone, on va entendre Nostradamus de Noem. I know him! You know him? Je les connais. Pas. I know him, je les connais. Ah ouais? Gotta catch them all, Pokémon. Pas rapport. Ah. Je pense qu'il y a M dedans. OK. Ah, c'est des palmarès, c'est fou. On revient après pour se dire ciao bye. Presque ciao bye. Chaud. Pour l'instant. Je dis chaud, c'est chaud. Chaud. Ciao, Bella. C'est chaud. C'est chaud. Oui. Lors du nom de béni, je fus sorti du lit par un songe divin me soufflant ses quatre ailes. Je me mis à écrire sur ces siècles à venir pour guider les humains sur ce sombre chemin. Sur ce sombre chemin. Vous ne parlez plus qu'à travers les écrans. L'imagine qui devait vous faire sauver du temps. Vous ne pensez plus et le feront pour vous. Vous traiterez vos semblables comme des animaux, prisonniers des enclos comme de villes troupeaux. Par millions, ils mourront de sécheresse et de faim pour que se perpétue trop vaste festin. Vos vies s'étioleront jusqu'aux âges vénérables, combattant de nouvelles afflictions incurables. Des masques comme des pestiférés. Effectuerez les masses et puis les guérirez. À vos filles et vos fils, vous crierez. Changeons tout, mais il sera trop tard. Vous laisserez tout derrière pour un nouveau départ. Vos vies s'étioleront jusqu'aux âges vénérables, combattant de nouvelles affections incurables. Comme des pestiférés, infecterez les masses et puis les guérirez. Quand je suis enfin sorti de cette rêverie, j'ai vite chassé ces visions de mon pauvre esprit. Les hommes sont des sots et cela, j'en conviens pas au point de me léguer ce triste destin. Et en première position. Yuhi! C'était les premières positions de chaque côté. On vient d'entendre East Road avec First Morning Light qui monte de 6 places en première position anglophone. Et du côté francophone, c'était Noël avec Nostradamus qui a monté de 10 places. Oui, bravo aux deux. Félicitations. Deux nouveaux numéro 1 cette semaine. Est-ce que ça va être la même chose la semaine prochaine? On ne sait pas encore. La semaine passée, on le sait. Ouais, c'est ça. On le sait depuis, je dirais, 7 jours environ. Mais écoute, on verra la semaine prochaine. Moi, je vis dans le passé, dans le déni. Donc, le futur et la réalité, c'est pas pour moi. For the future! merci Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Merci à toi, Monsieur Plante. Oui, ça fait plaisir moi aussi. Maxime Tanguay va être de retour la semaine prochaine avec nous pour compléter la Triforce. Et ça lui fait plaisir. Oui. On remercie personne à l'émission d'aujourd'hui, je pense. Ben non, ben c'était tranquille. On peut remercier Annabelle qui a failli venir faire un tour, mais. Elle est passée à ça. Là, ça, là je mets un pouce. Elle était rentrée dans le studio, mais là, elle s'est rendue compte qu'il faudrait qu'elle aille à son cours. Exactement. Et c'est bien malheureux, mais bon, on la retrouvera mercredi matin à sa collègue d'assemblage requis. C'est tout pour nous. Donc, on se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h. C'est là pour 13e étage à 19h. Vendredi, on est de 17h à 20h. C'est Skypunk à 20h. Et 14h le lundi. Après nous, à 19h, il y a le voyage insolite. Passez une excellente fin de semaine. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée plus tôt dans l'émission. C'est Hannah Georges et Enemies, la position numéro 15. Bye, Steph. Bye, Mathieu. Wouhou!